et très peu nombreux sont les hommes qui vivent la fusion instantanément. Alors l'homme va vers la fusion, alors il dépend de lui au cours des années. Au cours des années où il se réalise de plus en plus dans son intelligence, dans sa réalité, où il se réalise de plus en plus en dehors de ses niaiseries émotionnelles et intellectuelles, de développer son unitaire mental. C'est pour ça que la réalisation dans l'instantané, quand ça se vit ça, l'incertitude dans le mental ou l'insécurité dans l'émotionnel, c'est à vous autres de mettre la hache dedans, pas d'attendre une semaine, deux semaines, puis dire, bon, mais je vais laisser passer tout le temps encore. Mais ça, c'est une façon de parler. Je sais très bien qu'il y a des moments dans votre vie où vous ne pouvez pas mettre la détruire instantanément votre insécurité et votre incertitude. Parce qu'il y a des conditions. C'est complexe. Mais je sais qu'un jour, à un moment donné, ce boulet de canon-là que vous traînez, un jour, il faut que vous mettez l'âge dedans. Si vous ne mettez pas l'âge dedans, un jour, vous ne développerez jamais un état mental. Autrement dit, vous ne serez jamais bien dans votre peau. Autrement dit, vous ne serez jamais sûr d'être sûr. Autrement dit, vous ne serez jamais des êtres vivants. Vous serez des vivants morts. Dans le phénomène de l'incertitude mentale, lorsque l'homme est incertain dans le mental, c'est subtil en sacrament de l'intelligence. Lorsque l'homme est incertain dans le mental, il fait une chose, là. Il rationalise. Aussitôt que l'homme est dans l'incertitude du mental, autrement dit qu'il n'est pas dans l'intelligence pure dans son mental, il fait une chose, l'homme, il rationalise. Tous les hommes font là, sur toute la planète. C'est une loi du mental de l'homme. Chaque fois que l'homme est dans l'incertitude, il rationalise. Et il se produit le phénomène opposé. C'est chaque fois que l'homme rationalise, il se donne la certitude. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça crée un écart entre l'intelligence pure et l'homme. C'est subtil. C'est mauditement subtil. L'histoire des philosophes, connais-toi toi-même, c'est de l'histoire, c'est de la philosophie, ça. L'homme, il se découvre lui-même avec le temps. Il y a des lois qui se découvrent lui-même. Le reste, c'est toute la niaiserie. Quand tu réalises qu'un homme qui se conscientise, ou un homme qui est inconscient, qui rationalise, parce qu'il a de la certitude dans le mental, imagine-toi. Autrement dit, essaye de voir du positif et du négatif dans deux apparences positives. Rationaliser, c'est donner de la raison à quelque chose, ça paraît être positif. Puis c'est quoi l'autre? La certitude apparaît aussi comme une autre qualité positive. Essaye de voir l'apparence négative là-dedans. Essaye de voir le côté opposé là-dedans par la raison. T'es pas capable. T'es pas capable. Faut que ce soit l'intelligence pure qui te le dise. Si elle te le dit pas, tu pourras jamais le savoir et tu vas toujours rationaliser l'opposé. C'est ça la condition de l'homme. Alors, qu'est-ce que ça crée, ça, dans l'homme? Ça vient d'où, ça, dans l'homme? Ça vient de l'incertitude dans l'homme. Si l'homme n'avait pas d'incertitude dans son mental, si le mental humain n'était pas cette chose, cette énergie, Cette composante d'énergie qui est de l'incertitude, ça n'existera jamais, ça, le rationalisme, pour se donner de la certitude. Un homme qui est dans l'intelligence pure, il n'y a rien à prouver, il n'y a rien à rationaliser. Il n'est pas capable. Ça ne marche plus, ça. Parce qu'il n'y en a plus de forme dans le mental qui crée de l'incertitude, puis qui crée du rationalisme. Il n'y en a plus. Il n'est plus capable. C'est impossible pour lui de faire ça. Il retire son épingle du jeu, c'est-à-dire. Il se retire. Un homme qui a un état mental, il n'y a pas d'énergie à faire. Pas de maudite énergie à faire. Pas une, rien. C'est pour ça qu'il est bien. C'est pour ça qu'il vit une vie pleine. Complètement pleine. Alors, l'incertitude dans le mental humain fait partie et une composante de l'intellect. Et tous les hommes l'ont, ça. Cette incertitude. Même ceux qui pensent qu'ils l'ont pas. Cette incertitude, ils l'ont pas. Moi, c'est parce que je ferme ma gueule. S'il faut là que j'ouvre ma gueule chaque fois que je sais que vous avez de l'incertitude, puis que je démolirai votre incertitude, je passerai mon temps à travailler avec vous autres. J'arrêterai pas. Je ferme ma gueule. Je me mets au grand neuf. L'incertitude, ça fait partie de la nature même du mental de l'homme. Parce que le mental inférieur d'un homme n'est pas une composante intelligente de l'unité humaine. Le mental de l'homme, c'est une composante rationaliste de l'unité humaine. Ça fait partie des conditions de l'involution. Ça ne fait pas partie des conditions cosmiques de l'homme. Il n'y a rien de cosmique dans le mental inférieur de l'homme. Il n'y a pas d'intelligence dans le mental inférieur de l'homme. Il y a simplement un ordre dans les pensées qui donne à l'homme l'impression d'être intelligent et qui lui donne la raison et la force pour rationaliser son intelligence afin de développer de la certitude lorsqu'en fait, derrière tout ça, c'est un gros tas de merde que j'appelle de l'incertitude. Je vous parle pour demain. Quand je dis que l'homme est entêté, dans le sens que je veux dire qu'il y a une partie dans l'homme qui n'accepte pas l'intelligence librement. Il faut être bien intelligent pour accepter l'intelligence librement. Autrement dit, quand tu es dans l'intelligence, quand tu as un éther mental, automatiquement tu n'es plus impliqué dans tes émotions et dans ton intellect. Fait qu'il se produise n'importe quoi dans le monde. Ça n'a plus d'importance dans ton monde. Ça n'a plus de maudite importance. Fait que si le gars il veut rationaliser, laisse-le rationaliser. Si le gars veut avoir raison, laisse-le avoir raison. Ça n'a plus d'importance. Si le gars n'est pas capable d'accepter librement l'intelligence, t'attends 1 an, 2 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, parce que t'es capable d'attendre. Puis en attendant, tu t'occupes de tout. Quand vous comprendrez ça, vous comprendrez quelque chose. L'éther mental, c'est la partie cosmique de l'homme. Alors, l'homme qui a cet éther formé ne peut pas être assujetti par sa condition inférieure. L'homme qui a un éther mental, l'homme qui est cosmique, ne peut pas être assujetti par sa partie planétaire. Alors, si l'homme est cosmique, s'il a un éther mental développé, et qu'il est en relation avec des hommes qui vont vers le cosmique, mais qui ne sont pas encore cosmiques, à ce moment-là, il ne perd pas d'énergie pour rien. Savez-vous pourquoi c'est facile? Pourquoi c'est facile d'avoir l'impression d'avoir raison? C'est facile d'avoir l'impression d'avoir raison parce qu'avoir l'impression d'avoir raison, ça fait partie de l'intelligence de l'homme qui est assujetti à sa mémoire. Et l'homme est mémoire. C'est un cercle fermé. C'est un cercle parfait. C'est très normal, c'est très facile pour l'homme d'avoir l'impression d'avoir raison parce que l'homme est assujetti à sa mémoire émotionnelle et mentale et c'est ça qui lui donne la capacité d'avoir l'impression d'avoir raison. Puis tu peux pas arriver à un gars qui a l'impression d'avoir raison, surtout s'il est un petit peu plus évolué que les autres. Tu peux pas arriver et continuer à travailler ça à moins que tu donnes un choc. À ce moment-là, tu crées un choc, là. Là, tu crées un choc tellement fort, là, que là, là, il en souffre à en mourir, même à vouloir se suicider, puis tu dis, Chris, tu veux te suicider, suicide-toi. À ce moment-là, là, là, là, ça fait tellement de travail en lui, puis il en souffre tellement, parce que toi, tu sais qu'il peut pas se suicider. Mais lui, il pense qu'il va se suicider. Puis là, là, quand il revient, le gars, quand il revient après ce choc-là, Chris, c'est un homme content. Il a fini de te casser les pieds. Puis vous savez jamais d'envie quand il y aura des conditions d'envie qui vous donneront un choc ultime, qui vous feront passer d'une octave à une autre octave pour rentrer un jour dans l'éther. Parce que si un jour il y en a parmi vous autres qui vont rentrer ou qui vont aller dans l'éthérique, laissez-moi vous dire que vous ne pourrez pas vivre dans l'incertitude mentale ou dans l'impression d'avoir raison. Non. Si vous passez dans l'éther un jour, vous allez être dans votre intelligence réelle, pas dans l'autre apparent. Alors, c'est pour ça qu'il y en a très peu qui vont passer dans l'éther, dans cette vie-ci. Mais ceux qui doivent passer dans l'éther, dans cette vie-ci, peuvent s'attendre à des chocs maudits s'il en arrive un jour à vivre de l'entêtement, c'est-à-dire à vivre cette condition du mental qui refuse le passage libre de l'énergie de l'intelligence. Ça, c'est une loi cosmique, mes chats. Pas mes frères, mes chats. Moi, je vous les écris sur le mur, les lois cosmiques. Vous les vivrez. Moi, je sais une chose. Que ce qui détermine l'éther mental d'un homme, c'est la souffrance qu'il a vécue dans sa vie. Sa souffrance consciente qu'il a vécue dans sa vie. Alors, un homme qui a vécu une souffrance consciente dans sa vie, ça détermine son éther mental. Puis ça, ça se rationalise pas. Puis quand tu es rendu à ce point-là, tu n'es plus intéressé à rationaliser. T'es plus intéressé à perdre de l'énergie. Fait que s'il y a des gens qui veulent perdre de l'énergie, ça fait partie de leur expérience. Mais l'énergie de la conscience cosmique, ça a les doigts longs en enfantillant. Ça fait des années que vous cherchez la conscience, vous autres, là, que vous cherchez dans des livres, puis des écoles, puis des cibles. Ça fait des années, vous n'avez rien vu encore. Quand vous m'avez rencontré, vous êtes aperçu que c'est pas ce que vous pensiez, hein, mais vous n'avez rien vu encore. Rien vu. Vous commencez. Vous viendrez me voir dans 10 ans. Puis autant c'est différent de ce que vous avez lu dans la vie des maîtres, parce que c'est venu de l'ancien, puis toute la crise de Bébel qui nous a été écrite là, pour nous supporter temporairement. Là. Autant vous allez voir que c'est différent de ça. C'est totalement mystérieux la conscience cosmique. C'est totalement mystérieux la conscience cosmique. C'est totalement mystérieux, la conscience cosmique. C'est en dehors de ce que l'homme pense que c'est. C'est pour ça qu'il n'a pas gros qu'on voit la vie. Dans ce vie-ci. C'est pour ça que quand je parle de l'incertitude de l'ego sur le plan mental et l'insécurité de l'ego sur le plan mental, ces deux aspects-là doivent disparaître de la vie de l'homme pour qu'il se forme en lui un éther mental. Et si ça ne disparaît pas, c'est parce que l'homme n'a pas suffisamment Il n'est pas suffisamment dans son intelligence. Il n'est pas suffisamment près de son intelligence. Il a trop d'intellect puis il a trop d'émotions pour le faire aller plus loin. Et ça dépend alors de l'homme, ça ne dépend pas des forces. Les forces ne peuvent pas entrer dans l'homme, à moins qu'elles fusionnent avec. Mais les forces ne peuvent pas entrer dans l'homme sans que l'homme soit capable de les absorber. Il y a des gens qui me demandent des fois, « J'avance-tu, M. Bernard? Je m'en vais-tu quelque part, M. Bernard? Où je suis rendu, là, M. Bernard? » Je lis-tu le bon livre, là, M. Bernard? Je dis, lis donc des comiques en place. M. Bernard. Je comprends que l'ego vive l'incertitude et vive l'insécurité. Je le comprends, c'est normal. C'est pas tellement l'incertitude que l'insécurité qui me chuchote. C'est que rendu à un certain niveau d'évolution, l'ego perd conscience de son incertitude et de son insécurité. Il perd conscience. Il a l'impression qu'il n'y en a plus dedans. Puis avez-vous déjà remarqué une chose? Que des fois dans la vie, on se dit, « Bon, ben, je suis bien correct, là, je suis à poil, je suis capable de le prendre, l'affaire, là. » Tout d'un coup, l'affaire arrive, puis tu tombes sur le cul. Tu te lèves, tu dis, maudit, je pensais que j'étais meilleur que ça. C'est comme un gars qui s'en va dans l'arène de boxe. Parce que lui, il a bien pratiqué, là. T'sais, il a bien pratiqué, puis il a bien tapé ses ballons, puis il a bien fait de tout ça, là, des sparages. Là. Il arrive dans l'arène, il se pense qu'il est bien bon. Tout d'un coup, le petit truc qui est là au bord, il donne un petit coup de poing dans le ventre, puis là, whoop, là, il commence à. Ça va bien vite dans la tête, là. Là, il commence à. Peut-être que je n'étais pas aussi préparé que je pensais. S'il faut qu'il en donne un autre, là, il réalise encore plus, t'sais. Finalement, il finit encore. Mais c'est la même chose avec nous autres. On pense qu'on est fort. On pense qu'on a de la certitude. On pense qu'on n'a plus d'insécurité. Tout d'un coup, là, il nous en arrive une. Puis c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a encore de ça, de l'incertitude et de l'insécurité. Mais ça, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on l'oublie après. Ça, c'est pas normal. Parce que plus le gars il est fort dans l'arène, puis plus il a pratiqué, plus il pense qu'il y a de la certitude puis de la sécurité. Parce qu'il est rendu qu'il y a des biceps de même, puis il est bâti comme une tour. Puis dans le mental, au niveau émotionnel, c'est la même chose. On pense qu'on est bien fort, qu'on a dépassé les conditions subjectives de notre conscience. Mais je vous dis une chose, la conscience est une illusion. Un jour, vous comprendrez que la conscience est une illusion, et la seule chose qui est réelle, c'est l'intelligence. La conscience, c'est l'étape entre l'inconscience et l'intelligence. Fait que tant que vous êtes dans la conscience, tant que vous pensez en termes de conscience, vous êtes encore en voie d'évolution vers l'intelligence. C'est quand vous serez dans l'intelligence qu'à ce moment-là, en vous, le phénomène de conscience ou de conscientisation ou le phénomène d'évolution, ça n'existera plus pour vous autres. Alors, tant que vous pensez conscience puis évolution, c'est parce que vous êtes dans l'évolution de conscience et que vous êtes sujet encore à de l'incertitude et à de l'insécurité et qu'un jour, cette incertitude et cette insécurité doit être totalement abolie pour que vous rentiez dans l'intelligence pure, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous serez dans l'intelligence pure et à ce moment-là, ben la conscience puis l'évolution, ça vous intéressera plus. Vous aurez pu entendre parler de Bernard de Montréal, vous aurez pu entendre parler de personne, parce que vous serez dans votre propre intelligence. Mais tant que vous avez besoin de quelqu'un, tant que vous avez besoin de Bernard de Montréal, tant que vous avez besoin de comprendre des affaires, vous êtes encore en évolution vers votre propre intelligence. Quand tu es dans ta propre intelligence, tu n'as plus besoin de personne. Tu te fies à toi-même, tu fonctionnes en vertu de toi-même, et tu traces ta vie comme tu le veux. Mais il y a un point que je veux amener ici. La conscience, c'est un état évolutif. L'intelligence, c'est un état d'intelligence. C'est un état vibratoire, c'est un état de l'esprit de l'homme. Et un homme qui est dans son intelligence doit découvrir, doit savoir, doit reconnaître son intérêt vital. Quand tu es intelligent, tu travailles sur la terre. Quand tu es intelligent, tu fais quelque chose sans terre, tu te rapportes. Quand tu es intelligent, tu fais quelque chose en tête qui est créatif, qui est en fonction de toi, qui est normal à ta présence sur la terre quand tu es intelligent. Quand tu es intelligent, tu travailles parce que ça fait partie de ta vie et tu fais un travail qui te complète et qui te plaît parce que ça fait partie de l'harmonie de ton corps mental, puis ton corps émotionnel, puis ton corps vital, puis ton corps physique, plus ton état mental. Alors, il y a une chose que je veux dire, c'est que les gens qui sont en évolution vers l'intelligence, qui sont dans un état de conscience croissante et qui ne réalisent pas encore l'importance de travailler créativement, il est temps que vous commenciez à chercher qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie. Si vous faites quelque chose dans la vie qui fait votre affaire, tant mieux, pour faire un problème de moins. Mais éventuellement, vous allez être obligé de découvrir votre intérêt vital, parce qu'il va venir un point dans votre vie où votre mental, où l'état mental va être tellement fort, autrement dit, où vous allez être dans une sorte d'intelligence que vous ne connaissez pas encore. Puis cette intelligence-là va être tellement présente, tellement forte, qu'elle va vous pousser dans le dos, puis vous allez en souffrir de votre intelligence. Vous allez souffrir d'être intelligent, vous allez souffrir d'être dans la vibration de l'intelligence, et il va falloir, vous autres, la canaliser, cette énergie-là. Quand vous allez la canaliser, cette énergie-là, ça va être votre intérêt vital. Et chaque homme a un intérêt vital. Il n'y a pas un homme qui est sans terre qui n'a pas, dans son programme de vie, un intérêt vital. Mais avant que les gens soient suffisamment dans leur intelligence, ils n'ont pas un intérêt vital, ils ont un intérêt de vie, qui est leur job. Mais un jour, l'intérêt de vie se peut assez, vous avez besoin d'un intérêt vital. Je vous dis ça en passant. Parce que quand on se conscientise, on perd les pédales. Quand on se conscientise, on a une petite période qu'on devient bien, bien spirituel. Là. Les petits anges, les grosses bédaines, puis les ongles bleus. Les ongles bleus, puis les cheveux blancs. Mais, ça se tasse, ça, cette période-là. Ça se tasse, cette période-là. Puis quand c'est bien tassé, là, puis qu'on comprend bien le jeu, puis qu'on comprend bien la game, puis qu'on n'a plus d'insécurité, puis qu'on n'a plus d'incertitude, puis qu'on a même de l'intelligence créative qui veut se placer dans le monde quelque part, qui veut faire quelque chose dans le monde, pour vivre, pour manger, pour éduquer nos enfants, pour voyager, pour vivre une vie normale, pour vivre une belle vie, à ce moment-là, c'est là que ça devient important, l'intérêt vital. Ça fait partie de l'intelligence réelle, l'état mental, l'intérêt vital. C'est pour ça que ça vient si loin dans l'avenir, parce que l'état mental vient bien loin dans l'avenir. Il y a une qualité particulière qui se rattache à l'incertitude. C'est un peu comme une sorte de bébite qui se nourrit d'un autre bébite. Le parasite de l'incertitude. Puis le parasite de l'incertitude, c'est la fausse certitude. C'est ça qui crée l'entêtement. Que ce soit l'entêtement purement psychologique ou que ce soit l'entêtement contre l'énergie de l'intelligence, c'est le même phénomène. Regardez les personnes qui, de nature, sont entêtées et vous verrez que ces gens-là ont toujours l'impression de la certitude. Ils ont toujours l'impression d'une certitude, les gens entêtés. Les gens qui ne sont pas entêtés, ils n'ont pas cette impression trop forte. Mais les gens entêtés, là, tu vois, qui ont cette impression de certitude-là. C'est mauditement dangereux, ça. Parce que si tu es inconscient et tu as l'impression de certitude parce que tu es entêté, automatiquement, tu vas te bloquer des arts. Tu vas réduire ton cercle d'amis puis tu vas vivre avec quelques personnes parce que les gens n'ont plus d'énergie à perdre avec des entêtés. Mais si tu vas plus loin dans la conscience, et que tu en arrives éventuellement à la formation de ton état mental, si tu es entêté, qu'est-ce qui va se produire? C'est que tu vas arriver à un certain moment où ton entêtement va être suffisamment près de ta conscience. C'est-à-dire que ton entêtement va être suffisamment près de l'impression d'avoir raison. que tu vas te refuser du libre mouvement de l'énergie, de l'intelligence dans tes corps. Et automatiquement, tu vas t'astreindre du développement parfait de l'intelligence et du contrôle de l'intelligence sur ton corps mental et sur ton corps émotionnel. Parce que l'énergie de l'intelligence, l'énergie du mental supérieur de l'homme, l'énergie de l'éther mental de l'homme doit éventuellement pouvoir contrôler le mental humain, l'émotionnel humain, le vital humain et le physique humain parce que c'est justement la connexion entre le mental supérieur de l'homme qui donne éventuellement à l'homme la capacité de vivre à un autre taux de vibration sur tous ses plans. Parce que l'éther mental de l'homme, c'est la vie dans l'homme. C'est le plan sur lequel descendent les forces de vie dans l'homme. Fait que si l'homme veut pas être malade dans sa vie, mais il faut que cet éther-là, cette énergie-là, puisse descendre dans son plexus solaire pour nourrir son corps astral. Parce que si elle nourrit pas son corps astral va le rendre malade. Il faut que l'énergie descende sur son corps mental pour neutraliser ses pensées. Parce que si l'énergie descend sur le mental et neutralise ses pensées, il n'y a plus d'inquiétude dans le mental de l'homme. Et automatiquement, ça affecte le corps vital de l'homme. Fait qu'automatiquement, l'homme est toujours en santé. Mais quand l'homme est malade, c'est parce que la connexion ne se fait pas. Fait que c'est important pour l'homme de ne pas vivre d'entêtement contre l'énergie qui fait partie de l'état mental sur ses corps. Alors ça demande qu'il ne soit pas trop dans l'impression, surtout si c'est un petit peu plus avancé, d'avoir raison, parce que vous n'aurez jamais raison contre l'intelligence. Jamais. Vous autres, vous êtes chanceux, parce que notre relation, nous autres, c'est une relation plutôt d'extérieur à intérieur. Mais si vous aviez été dans ma vie, à moi, pendant l'initiation, moi, je vous aurais fait subir des chocs écœurants. Écœurants qu'aujourd'hui, si vous étiez ici et vous regardiez dans la salle, vous seriez des années d'avance. Que vous soyez petit ou que vous soyez 6 pieds 4, je vous aurais fait passer des chocs pareils. À ce moment-là, vous auriez évolué plus vite. Mais tu peux pas faire ça avec bien du monde. Tu t'épuises. Mais c'est toujours le même principe. L'énergie de l'intelligence, si elle est destinée à entrer dans vos corps un jour, si vous êtes destiné, autrement dit, un jour à passer à l'éthérique, vous serez obligé de l'absorber, cette énergie. Et si vous êtes trop entêté, c'est parce que déjà, il y a des forces en vous qui font partie de l'énergie de l'âme, et ce sont ces forces-là qui font partie de l'énergie de l'âme, qui établissent dans votre vie votre calendrier, et déjà vous êtes marqué pour une évolution supérieure dans un autre cycle de vie. C'est subtil, la relation entre l'âme et l'homme. L'homme qui va dans l'éther détruit tout ce qui est âme en lui pour ne vivre que de l'énergie de l'âme. L'homme qui ne peut pas aller dans l'éther, à un certain moment, l'âme bloquera l'entrée de l'énergie de l'intelligence pure en lui parce que l'âme sait, à cause de la mémoire de l'involution, que le corps mental et le corps émotionnel et le corps vital et le corps physique ont une insuffisance de résistance pour absorber cette énergie-là. J'ai une belle paire de pinces au lieu de faire ça avec mes petits doigts. Moi, je le sais. Que c'est avec la paire de pinces, c'est plus intelligent de travailler avec la paire de pinces que de travailler comme un niaiseux. Mais avant, si ça avait été il y a 7-8 ans, je me serais senti mal. J'aurais dit, mais je vais vous donner un exemple. Là, je vous donne des exemples. Je rencontre un de mes amis, moi, qui est très riche une fois. Il passe sur la rue de la montagne, puis il klaxonne, puis il dit, Bernard, il dit, veux-tu un lift? J'ai dit, non, plus tard. Le gars, il est en grosse Rolls-Royce. Fait que tu comprends, dans mon état, dans ce temps-là, les petits anges avec les grosses ballons pis les cheveux blonds, tu penses pas que je t'apprends à embarquer d'une grosse Rolls-Royce? J'ai marché comme un maudit niaiseux. Parti du bas de la ville jusqu'au coin de Papineau pis Sherbrooke. OK? On est niaiseux de même. Mais aujourd'hui, tu me demandes pas, Bernard veut-tu un lift? Parce que son Christ de char, je vais l'acheter. Comprends-tu, je veux dire? C'est ça que je veux dire. Alors, ce qui arrive, c'est que la compréhension du jeu sur notre mental qui crée l'incertitude, sur notre émotionnel qui crée l'insécurité, éventuellement, nous amène à développer une sorte d'entêtement, c'est-à-dire une sorte d'intelligence, c'est-à-dire une sorte de volonté, c'est-à-dire une sorte de vision tellement claire qui est notre état mental, qu'on ne peut plus souffrir.